Chapitre 2e. Pour la première fois de sa vie, peut-être, Élisabeth s'était trompée dans son plan. Un homme avait arrêté sa volonté, dédaigné son amour. Son orgueil ressentait l'insulte et l'orgueil chez elle était plus que la passion. Aussi, loin d'amener une défection, cette scène imprima au caractère de Königsmarck une forme plus sérieuse. Il rejeta ce relief de frivolité acquis par la frivolité des femmes, son allure prit de la réserve, son esprit de la prudence. Toutefois, ce dévouement, tout fantaisiste qu'il pût être, n'en était pas moins héroïque. La femme du brutal Georges vivait retirée dans ses appartements, loin de son mari, écartée de la cour, n'ayant qu'une amie, mademoiselle de Knesbeck. Son mariage était l'œuvre de la Platène, le chef-d'œuvre de celle-ci aux yeux de l'électeur. En effet, cette alliance réunissait le duché de Zell à l'électorat de Hanovre, les richesses accumulées par le père de Sophie Dorothée à la fortune délabrée de l'évêque. Afin de perpétuer cette communion immonde, la favorite avait employé la corruption et la calomnie. Elle avait réussi. Le comte Philippe, peut-être le seul homme loyal de cette cour libertine et grossière, pénétrait souvent auprès de la pauvre délaissée, la distrayait par son humeur aimable, lui donnait du courage par l'espérance. Königsmarck eut-il un sentiment d'amour pour cette infortunée princesse qui, en entrant dans la funeste famille des Stuarts, posait le pied du malheur? C'est ce qui jamais n'a été éclairci. Toujours est-il que la rivale de la vindicative Platène, depuis sa nubilité, aimait son cousin Auguste de Wolfenbüttel de cet amour jeune qui ne s'oblitèrent que sous le passage de nombreuses années. D'ailleurs, les confessions de la comtesse Élisabeth de Platen dans les horreurs de son trépassement de damnée ne laissent aucun doute sur l'innocence de cette malheureuse femme. Nous nous trouvons en face d'une scène où, le fantaisiste s'effaçant, l'histoire seule va parler, devant les tâches, d'un drame terrible qui épouvanterait la plume la plus courageuse, l'imagination la plus atroce. Tout en modelant le plan de cet épisode, nous avons résolu de rejeter dans les coulisses cette scène accomplie par une bourrelle aux mains blanches. Un soir, Königsmarck fut introduit par Madame Knesbeck, toute pâle, toute bouleversée, auprès de la princesse qui pleurait. Georges, ivre et irrité par sa maîtresse Mélusine de Schulenbourg, avait tenté d'étrangler sa femme en lui serrant le cou contre la muraille. Le comte Philippe offrit ses conseils et ses services. Les conseils manquaient de sagesse, peut-être, les services de puissance. On projeta une fuite, non pour se rendre à la cour de Zell, mais chez le père d'Auguste Wolfenbüttel. Là, Sophie Dorothée réclamerait hautement le divorce et porterait sa cause devant une cour aulique ou consistoriale. Ce plan avait de la hardiesse, et cette raison principalement le fit choisir par l'aventurier danois. On attendit une occasion propice. Mais l'ennemi du comte, la favorite, suivait par l'œil de ses espions les démarches de celle qu'il prétendait sauver et qu'elle voulait perdre. Un jour, Königsmarck reçut d'une main inconnue un billet ainsi conçu. « Ce soir, vers 8 heures, la princesse Sophie Dorothée attendra le comte de Königsmarck. » Le Danois n'eut aucun soupçon. Inhabile au rôle dont il s'était affublé, il ne pensait qu'au succès. À l'heure dite, il arrivait au rendez-vous où il trouva les deux femmes fort étonnées de sa présence à pareil moment. Ainsi que d'habitude, le comte fut aimable, amusant, spirituel. Par ses saillies, ses méchancetés même sur la Platène, il amena le rire oublié à la physionomie rêveuse de la belle Sophie. Les heures s'écoulèrent courtes. Hélas, devant ce brillant jeune homme, devant cette tête masculine, belle comme un rêve de femme, pourrait-on en faire un blâme si cette infortunée éprouva une secrète aspiration du cœur, si son âme s'épanouit heureuse à l'éveil d'un sentiment irrésistible, si son regard se noya dans une contemplation aimante? Mais ici le doute règne, et loin de l'en accuser, on lui souhaiterait plutôt cette heure éclairée d'un reflet d'amour. Le temps s'écoule vite auprès des femmes, surtout lorsque, y étant seule, aucune impression jalouse ne vous tourmente. Or, pendant que ces trois jeunes gens s'oubliaient ensemble, ils se préparaient dans une salle du même palais une scène de sang. Par un même crime, une femme allait renverser deux obstacles, perdre sa rivale et se venger de l'homme qui l'avait raillée. Les lecteurs, après avoir délivré sans difficulté aucune l'ordre d'arrêter son colonel des gardes, se renferma douillettement dans sa chambre de nuit et se coucha. Pour quitter le palais, Königsmark devait traverser la salle des chevaliers. Les contiguïtés désertes de ce lieu le firent choisir pour l'exécution du projet. 11 heures sonnaient lorsque la comtesse, suivie de 4 bancs, entra. Au milieu de cette salle s'élevait une grande table de pierre. Sur cette table fut déposé un vase immense pouvant bien recevoir, sans déborder, 4 fois le contenu de la cloche d'argent. Un des trabes remplit ce vase d'eau-de-vie. La favorite elle-même y mit le feu. Non pour la brûler, mais afin de la rendre tiède. L'eau-de-vie chaude a sur le cerveau une action plus prompte que la froide. Quand les 4 soldats eurent tout bu, la comtesse les fit cacher sous le manteau sculpté de la profonde cheminée gothique. Elle se retira derrière une lourde tapisserie en face de la cheminée noire où 4 glaives blanchoyaient. On attendit. Le lendemain, appuyée sur le bras de sa fidèle compagne, mademoiselle de Knesbeck, Sophie Dorothée, ignorante des événements de la nuit, se promenait dans une des cours jardins du palais. Au milieu d'une fosse pleine de chaux vives, elle reconnut une tête qui ressortait. Les 2 femmes s'évanouirent. Un mouchoir ayant du rouge et portant les armes de la princesse de Zell avait été trouvé sur l'infortuné colonel. La comtesse de Platen avait frotté de sang les endroits fardés. Ce mouchoir, les papiers saisis, les calomnies de la favorite, tout parlait contre la pauvre princesse. Ses quelques rares amis, trompés par une fausse évidence, l'abandonnèrent. Le divorce fut prononcé. On conduisit en grande pompe la princesse dans la vieille forteresse d'Alden, où elle demeura 32 ans captive, occupée à écrire ses mémoires. Son mari monta sur le trône d'Angleterre sous le nom de George Ier. Parmi les magnifiques femmes de sa cour, l'histoire remarque mademoiselle Mélusine de Schulenburg, son ancienne maîtresse, devenue duchesse de Kendal, et la duchesse d'Arlington, fille de la comtesse de Platen, favorite du fils, comme la mère l'avait été du père. Un matin de novembre 1726, les pauvres habitants de la petite ville d'Alden virent, tout étonnés, sortir du château un convoi funèbre. Un écusson, voilé de noir, composé des armoiries écartelées de la maison d'Olbreuse en Poitou et de la maison princière de Brunswick-Lunebourg, se répétait sur le cercueil et sur les 3 carrosses. Dans une des voitures, on remarquait une femme qui pleurait. Tous les habitants, le cœur en deuil, suivirent le cadavre de leur bienfaitrice, Sophie Dorothée, que l'on descendit dans un caveau de prince. Angelo de Sors.